un homme de foi, un homme de loi, un homme qui croit qu'en ce qu'il voit. Je ne suis que moi, haine de négro marginal, mon rap sinal, crame tes sinus, c'est de la pure patate musicale. Eh, on fonce tous vers l'illégal, mais le crime ne paie plus. Ça va sa vie jusqu'au jour où tu ne brilles plus. Tu te retrouves seul tout et tes potes te calculent plus. Au bord du gouffre, je veux avancer mais je sais pas voler. J'erre dans les rues comme un damné, triste décor, bitume et fleurs fanées. N'en fallait que j'ouvre les yeux beaucoup plus tôt. J'ai cette impression d'avoir la tête dans un étau. Soulage ma haine en studio ou dans un bédo. Toujours dans les nuages, ils veulent me voir tomber de haut. Regarde ma main, comment l'état nous malmène. Faire l'oseille à chaque semaine, verra bien où ça nous ramène. Dire que le rap est mort ou que le hip hop n'est pas un art. Paraît que le savoir est une arme, lever les bras, dégaine mon âme. Je compte pas déclarer ma flamme, mais foutre le feu au plancher. C'est comme un mémorandum avant que mon cerveau se mette à flancher. J'aurais pu prendre un place de killer, mais le nom fait pas le moine. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Renoir, tu fais pas le bois. Alors qu'il est, y'a trop d'MC qui se cassent la gueule. On te casse la tienne si tu parles mal, casse la tienne, j'fais mes bails, blah. Toujours premier dans la bataille, dernier à faire d'oseille. Ma bonne étoile s'est faite la malle. J'reste seul dans mon malheur, mais j'compte pas baisser les bras. Même si j'me réveille un peu tard pour contempler ce monde de bâtards. Un monde de barbares où règne peur du barbu. Violence et état voyou, mais voyons. J'analyse comme un voyeur ce monde avec stupeur. Mais comme l'homme est stupide et avide de pouvoir, j'serais ravi de pouvoir te conter ces histoires. Louche pour la plupart, tout se couche quand ma plume part. C'est haine de négro. Maintenant tu connais MC à part. T'auras beau dire que le rap est mort ou que le hip hop n'est pas un art. Paraît que le savoir est une arme, lever les bras, dégaine mon âme. J'compte pas déclarer ma flamme, mais foutre le feu au plancher. C'est comme un mémorandum avant que mon cerveau se mette à flancher. J'viens de là où les gens naissent avec le seum dans le sang. Enfant des ghettos sales, on a grandi dans la violence. Des cris, des SOS et en réponse un long silence. J'avance en me disant que dans 10 ans tout ira mieux. Car là d'où j'viens, on a peu de chance de mourir vieux. J'investis les lieux, un homme averti en vaut deux. Mémorandum avant de finir aux yeux. Haine de nec, c'est pas de la tristesse mais de la haine, tu lis dans mes yeux. T'auras beau dire que le rap est mort ou que le hip hop n'est pas un art. Paraît que le savoir est une arme, lever les bras, dégaine mon âme. J'compte pas déclarer ma flamme, mais foutre le feu au plancher. C'est comme un mémorandum avant que mon cerveau se mette à flancher.